Quatrième partie, chapitre 6, cinquième section, le bon propos. En quoi consiste le bon propos? Le bon propos consiste en une volonté résolue de ne jamais plus commettre le péché et d'employer tous les moyens nécessaires pour le fuir. Quelle qualité doit avoir cette résolution pour être un bon propos? Pour être un bon propos, cette résolution doit avoir principalement trois qualités. Elle doit être absolue, universelle et efficace. Qu'entendez-vous en disant « le bon propos doit être absolu » ? J'entends que le bon propos doit être sans aucune condition de temps, de lieu ou de personne. Qu'entendez-vous en disant « le bon propos doit être universel » ? En disant « le bon propos doit être universel », j'entends que nous devons avoir la volonté de fuir tous les péchés mortels, autant ceux que nous avons déjà commis que tous les autres que nous pourrions commettre. Qu'entendez-vous en disant « le bon propos doit être efficace » ? En disant « le bon propos doit être efficace », j'entends qu'il faut avoir une volonté résolue à perdre tout plutôt que de commettre un nouveau péché, à fuir les occasions dangereuses de péché, à détruire les mauvaises habitudes et à accomplir toutes les obligations contractées en conséquence de nos péchés. Qu'entend-on par mauvaise habitude? Par mauvaise habitude, on entend la disposition acquise à tomber facilement dans les péchés auxquels nous nous sommes accoutumés. Que doit-on faire pour corriger les mauvaises habitudes? Pour corriger les mauvaises habitudes, nous devons veiller sur nous, prier beaucoup, nous confesser fréquemment, avoir un bon directeur, n'en pas changer, et mettre en pratique les conseils et les remèdes qu'il nous propose. Qu'entend-on par « occasion dangereuse de péché » ? Par « occasion dangereuse de péché », on entend toutes les circonstances de temps, de lieu, de personnes ou de choses qui, de leur nature ou à cause de notre fragilité, nous portent à commettre le péché. Sommes-nous gravement obligés de fuir toutes les occasions dangereuses? Nous sommes gravement obligés de fuir les occasions dangereuses qui, ordinairement, nous portent à commettre le péché mortel et qu'on appelle les occasions prochaines du péché. Que doit faire celui qui ne peut pas fuir quelque occasion de péché? Celui qui ne peut pas fuir quelque occasion de péché doit le dire à son confesseur et s'en tenir à ses conseils. Quelle considération aide à nous porter au bon propos? Ce seront les mêmes considérations qui nous aident à nous exciter à la douleur, c'est-à-dire la crainte de la justice de Dieu et l'amour de son infinie bonté.